Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré Pierre pour la première fois, il a déjà vu en lui le disciple, l'apôtre puissant qu'il deviendrait un jour. Mais il voyait aussi que pour en arriver là, Pierre devait passer par une école de formation, bref, par tout un programme que le Seigneur a résumé en ces quelques mots. « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. » Jean 1, 42. Lors de sa deuxième rencontre avec Pierre, c'était sur les rives du lac de Tibériade, le Seigneur a promis à Pierre de faire de lui un pêcheur d'hommes, Matthieu 4, 19. De même, lors d'une troisième rencontre, non plus au bord du lac cette fois, mais sur ce lac, alors que le Seigneur se trouvait dans la barque de Pierre, après la pêche miraculeuse, il a renouvelé sa promesse. « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Luc 5, 10. Ensuite, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu cet entretien du Seigneur avec ses disciples dans la ville de Césarée de Philippe, dont nous avons parlé vendredi dernier. Lorsque Jésus leur avait demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre avait répondu avec conviction « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 15 à 16. Quelle belle confession! Mais immédiatement après, lorsque Jésus a annoncé à ses disciples que des souffrances l'attendaient à Jérusalem et qu'il mourrait comme un malfaiteur, Pierre s'est révolté contre cette idée et le Seigneur a dû lui dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Pierre avait encore beaucoup à apprendre, comme nous aussi, nous avons encore beaucoup à apprendre. La personnalité de Pierre était fort marquante. Il avait un caractère fougueux. Il ne se laissait ni évincer ni devancer. Il était toujours le premier à réagir ou exprimer un avis, même quand on ne le lui demandait pas. En voulez-vous un exemple? Ouvrons notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17. Trois des disciples, Pierre, Jacques et Jean, se trouvaient avec Jésus au sommet d'une haute montagne, vraisemblablement le mont Tabor en Galilée. Nous lisons Matthieu 17, 2. « Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Quelle expérience grandiose, marquante pour les trois disciples privilégiés. Jamais ils ne l'ont oublié. Et Pierre en reparlera tout à la fin de sa vie lorsqu'il rédigera sa seconde épître. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, versets 16 à 18. Sur le moment même, cette extraordinaire vision a confondu les disciples et les a effrayés. Cette vision aurait dû les réduire au silence. Mais Pierre s'est tout de même senti obligé d'émettre un avis. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Malgré la transcendante révélation du Seigneur glorifié, Pierre n'a pas pu se taire. Mais quelle était la valeur de sa proposition? Les récits parallèles à Matthieu 17 dans les autres évangiles nous montrent que ses propos étaient irréfléchis. Marc complète par ces mots au sujet de Pierre. « Il ne savait que dire. » Marc 9, 6. Quant à Luc, il apporte cette autre appréciation. « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Luc 9, 33. Pierre ne savait que dire. Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Ah, quand nous ne savons pas que dire, il vaudrait mieux se taire. Combien souvent nous ne contrôlons pas nos paroles? Non seulement ces paroles sont inutiles, mais elles sont souvent destructives. Parfois, elles affectent les autres. Elles sèment le trouble, sans parler même de celles qui injectent le venin de la critique, de la médisance et de la calomnie. N'avons-nous pas lieu de regretter certaines phrases sorties de notre bouche? Des mots qui ont heurté, frappé et blessé nos interlocuteurs et qui surtout ont nui à la cause du Seigneur? Quand nous ne savons pas que dire, attendons, prions et taisons-nous. Ce sera beaucoup plus constructif et cela permettra au Seigneur d'intervenir et de montrer ses solutions à lui. Oh, que le Seigneur discipline nos lèvres et notre langue. Le roi Salomon, qui était à l'époque l'homme le plus sage de la terre, a écrit Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, 3. Chers auditeurs, vous sentez-vous concernés par les propos de l'Écriture sainte? Comme Pierre, nous parlons à mauvais escient. Ou nous parlons trop, ou nous ne savons pas nous taire quand il le faudrait. Peut-être que Pierre souffrait d'avoir un caractère intempestif. Peut-être en souffrez-vous, vous aussi. Vous souhaitez qu'une transformation s'opère en vous. Eh bien, chers auditeurs, s'il y avait une solution pour Pierre, il y en a aussi une pour vous comme pour moi. Mais pour comprendre cette solution divine à nos problèmes de caractère, il importe d'abord que nous saisissions bien l'enjeu des parties en présence. Nous traînons avec nous une nature déchue qui nous tiendra fidèle compagnie jusqu'à notre dernier souffle. Cependant, dès l'instant où nous nous sommes ouverts à l'Évangile et à la grâce de Dieu, le Seigneur est venu habiter en nous par son Esprit. Il s'agit là d'une vérité capitale que l'apôtre Paul résumait en ces termes. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en Christ vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Quand nous nous sommes repentis de notre péché et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous avons donc reçu la vie de Dieu en nous. Nous sommes comme cachetés par le sceau du Saint-Esprit pour toute notre existence terrestre et encore pour l'éternité avec Dieu. Or, cette vie de Dieu se substitue progressivement à notre vieille nature. Ah, cette vieille nature! Vous avez déjà lu dans le Nouveau Testament ces expressions « la vie de la chair », « la vie propre », « le vieil homme ». Autant d'allusions à cette nature déchue et rebelle qui est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 7. C'est pourquoi le chrétien qui désire se soumettre à la loi de Dieu expérimente inévitablement en lui un conflit qui oppose la vie du Saint-Esprit à celle de la chair. L'apôtre Paul écrivait aux Galates, chapitre 5, verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre complétait par ces mots. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 5 à 6. C'est donc une question d'affection. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on le recherche ardemment. Ou bien on aime la vie de la chair et on poursuit les plaisirs ou les passions de la chair. Ou bien, par amour pour le Seigneur, on porte son affection sur les choses de l'esprit. L'impatience, les éclats de colère, les animosités, les querelles, les emportements d'un caractère indomptable et bien d'autres choses encore sont les manifestations de la chair en nous. Mais quand notre cœur est rempli d'amour pour Jésus-Christ, notre Sauveur, nous laissons son Esprit agir en nous. Alors, la vie de l'Esprit-Saint subjugue progressivement la vie de la chair. Notre comportement change et le Saint-Esprit se manifeste en nous comme un facteur de paix, de stabilité et de libération intérieure. Puis, les fruits du Saint-Esprit apparaissent en nous. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul donne la liste de ses fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque le disciple Pierre était aux côtés de son Seigneur en Palestine, il lui manquait certains des fruits de l'Esprit, comme la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Tout en étant bien disposé, Pierre avait besoin de découvrir la vie divine. Or, cette vie divine, Jésus-Christ la manifestait par sa présence constante à ses côtés. Et Pierre s'est tourné vers cette vie véritable qu'il a découverte dans la personne de son Seigneur bien-aimé. Aussi, le jour est venu où il l'a déclarée ouvertement. À ce propos, je vous invite à lire avec nous quelques mots dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Jésus vient d'enseigner la foule dans la synagogue. Mais ses paroles ont suscité l'opposition parce qu'elles n'ont pas plu à tout le monde. En conséquence, nous lisons Jean 6, 66 à 67. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» À ce moment-là, Pierre eut un élan d'amour pour son Seigneur. Peut-être éprouvait-il aussi un sentiment d'étonnement, voire d'indignation, vis-à-vis de ceux qui étaient en train de l'abandonner. Toujours est-il qu'il a répondu avec ferveur au défi prononcé par son maître, versets 68 et 69. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Oui, Simon-Pierre avait découvert la vraie vie, celle qui procède de Dieu et qui était la seule réponse véritable à ses problèmes de caractère. Chers auditeurs, avez-vous, à votre tour, découvert cette vie ? Êtes-vous convaincus du caractère artificiel de la vie que le monde, la chair et le diable vous proposent ? Vous pouvez recevoir en Jésus-Christ une vie abondante, d'où découle la paix du cœur et les vraies joies produites par le Saint-Esprit. Et vous pourrez dire alors comme Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voulez-vous naître de nouveau en permettant au Seigneur Jésus de vous accorder cette vie ? Ou bien, voulez-vous renaître à la vie divine, abondante et débordante, en demandant au Seigneur de vous remplir tout à nouveau de son esprit de vie ? Inclinons-nous dans la prière. Plaçons-nous devant le Seigneur maintenant.